J'ai la baraque, je débarque de là où on passe par la case prison sans passer par la case des poids. Tu squattes le terrain, compte pas sur eux pour qu'ils te fassent des passes. Tout le monde veut marquer son putain de but à la base des passes. Rap sale comme d'habitude, rap ça dans l'attitude. Enfin du sard pour les vrais soldats du bitume. Pour les maghrébis, Jazairi, Sahraoui, Tunisi. La concurrence est al-Qlaoui, on va la houi tout de suite. Le rap c'est pas la porte ouverte à tous les schlacks sous produits. T'es une pute comme c'est pas permis, tu veux donner des leçons de conduite. Allez tiens, toi qu'on boit, tiens. Le respect c'est pas en étant une paire qu'on l'obtient. A deux doigts de faire une dingue et on sait pas ce qui nous retient. S'ils veulent m'éteindre j'hésiterai pas à allumer ces sales chiens. On t'a mis dans ton boit, tiens. Dans ton boit, tiens. Dans ton boit, tiens. Dans ton boit, tiens. Le rap l'achète à sa mère même si on fait ça bien. Putain de flow de martien, ghetto youth on se maintient. On t'a mis dans ton boit, c'est ghetto youth jusqu'au slip. Rejoins le hiya dans les clips. Comme si c'était un sport collectif. Ça baisse des billets en équipe. Perché, les rêves bloqués derrière des grillages électriques. Si les soucis ça serait du bif, je pèserais des milliards en liquide. Quand ça dévoile sur les parkings, tout sera du sol comme un karting. Faut que les langues de pute et les psartifs pour qu'on fasse honneur à nos sartifs. Oh, bastonner, on va se bastonner. Tu peux garder ta plaque et ton pistolet. On s'en bat les couilles, est-ce qu'on est foutu depuis qu'on existe. On résiste à la crise et vite de la vie. Profite de la vie même si on est conditionné. Tous condamnés à missionner. Gros n'est jamais pistonné. Y'a que dans la tête que j'ai des billets verts. J'suis grillé, rarement habillé frais. J'veux pas briller près de ceux qui nous ont pillés. Dans un pit sistra où on interdit de boire du foulard. Inch'Allah qu'Eric Zemmour se fasse rouler dessus par un soulard. Que des dealers, des voleurs, de la CC, des histoires d'ego. Même ceux qui font pas la ramadan savent ce que c'est qu'avoir les coups. Tiens, tiens, tiens, tiens. Le respect c'est pas en étant une paire qu'on l'obtient. A deux doigts de faire une dingue et on sait pas ce qui nous retient. S'ils veulent m'éteindre j'hésiterai pas à allumer ces sales chiens. On t'a mis dans ton boit, tiens. Dans ton boit, tiens. Dans ton boit, tiens. Dans ton boit, tiens. Le rap l'achète à sa mère même si on fait ça bien. Putain de flow de martien, ghetto youth on se maintient. On t'a mis dans ton boit, tiens. Rap français 100% explicit lyrics. La nocturne. Spike il met RS4, pas de plaque. Magadji c'est une Bagdad. Kalash ou le clic-clac. J'ai bu 4 packs. La belle vie de zin. La belle vie de zin. La belle vie de zin. On a bu 12 packs. Roux avant sur le nez. Cagoule noire sur le nez. Mzingaland, tu connais. Djendjaouid soudanais. Et on s'en bat les couilles, on va à Maranello. Le zin se marie, cheval cabré sur le capot. On a les pneus neufs, on bombarde jusqu'à la Courneuve à 200, on sourit au flash. Permis vient des commons. Comme d'hab, j'm'en tape. Bang et meuf, tank et voilà comme d'hab. On achète pas les airs avec de sous-table. On encule pas les airs au cul où on se tape. La bague vend du shit, les frères ouvrent des chichas. Avec le bénéf du shit, cherche à devenir au fichat. Tibi spinner pour mon fiche, pour mon chiffre. Je n'ai pas de compte en Suisse, tout est dans le msango de la mama. RS4, pas de plaque. Magadji c'est une Bagdad. Kalash ou le clic-clac. J'ai bu 4 packs. La belle vie de zin. La belle vie de zin. La belle vie de zin. On a bu 12 packs. C'est la hesse, je pague en espèces. Ray de cesse, here we go, bastos dans la fortasse. Dans la bouche un chouche, sur la tête un chèche. A-L-O-N-Z, j'ai de la reprise comme un comptage. Rabat, Tupac, Malaga, Marseille, go fast. Tu payes pas, chantasse. Tu dis que c'est Tahlel, mais c'est une chouda. C'est un choix de vie le zin. Un choix de vie le zin. Un choix de vie le zin. Un choix de vie, le zèle, je menace à 15 heures d'appel. Soirée passée, crème sous tombée. Encore ballonné, j'affronte les problèmes, mais gambé. Je fais que Salomé, je m'arroute en paquet, me suis chargé. Pas tant comme non, les amis, la BLM, wow. RS4, pas de plaque. Magadji, c'est une Bagdad. Kalash, joue le clic-clac. J'ai bu 4 packs. La belle vie de zèle. La belle vie de zèle. La belle vie de zèle. On a bu 12 packs. Bas les pattes, j'ai le gilet pare-balles. Dans le bloc, goût le pot, Yakov, sa bibi non-stop. Et coupe gorge, cache, non, la boule aux yeux d'or, chie des lingos. Chou fanigo, type de bingo, hasta luego. Dans les bosses, pare-back. Casque chaque, pour l'enchaque, t'es de Jack, soirée man, Jack, avec Yves et Jacques. Polo black, jean black, toi de black, chrome black, ouf black, monte black, all black, tout est black. RS4, pas de plaque. Magadji, c'est une Bagdad. Kalash, joue le clic-clac. Serre-moi du bisap. La belle vie de zin. La belle vie de zin. La belle vie de zin. On a bu 12 packs. C'est Alonso des Psychiatres de la rime, la belle vie. C'est extrait du EP qui est disponible, la belle vie, avec 4 nouveaux morceaux d'Alonso des Psychiatres dans la nocturne 100% rap français. Le son, ça continue, on va rester à Marseille avec le remix de Bad Boys de Marseille par Nwer. Rap français, planète rap. La nocturne. Marseille, sa production, signore, signore. Marseille, sa production, signore, signore. French connection, bad boy. French connection, bad boy. Marseille, sa production, signore, signore. French connection, bad boy. French connection, bad boy. Marseille, sa production, signore. On ne vit qu'une fois. Faut prendre du bon temps et des millions d'euros pour soulever la coupe qu'on passe sur les Marseillais à Rio. Soleil sur les épaules, Rose Bécane on décolle. Maquillé comme des voitures volées, tu reconnais nos cagoles. Où qu'on aille, ouais, le monde est à nous. N'écoute pas ce qui se dit la nuit, chérie, y'a que des Serge Benamou. La tcha-tcha Tony, y'a que des Totorina. Les chaouettes font plus de bruit que dans les virages. Et tout le monde flambe pour la plus bonne, quitte à fumer le salaire. Un peu comme tous ces foutus touristes, on aimerait trouver la bonne mère. Fais pas le mec qui brasse des tonnes. Elle va te garer, la concurrence on la laisse sous le charret. Et on court à un soir comme des requins derrière l'oseille. Tu reprends des gars, style de pop. Tire le flop par au tapis, vodka, chicha, collé au bec. Tu reprends des gars, style de pop. Des voyous et des barons, des toiles sur le maillot, des quartiers dans le radeau. Tu reprends des gars, style de pop. Et l'été sur le rose et tout ça fallait sous le soleil. Tu reprends des gars, style de pop. On est sous le soleil de Marseille. Et tout se passe ici, lunettes de soleil. Bord de mer, y'a bon pour tous mes guiris. Fais pas le malin, parce que t'as le vice, on a les outils. Mets-toi en mode, laisse tomber tout ce qui est immonde. Guiri, respecte tout le monde. Respecte tout le monde. Respecte tout le monde, mais on a peur de personne. Compte sur personne, compte que les grosses sommes. Pense qu'à faire des lovés ou se poser pour se mettre stone. Wesh le sein, wesh la zine. On est posé dans la piscine. Wesh le sein, wesh la zine. Y'a du rosé et de la résine. Ok, yeah. Marseille c'est un délire, tu sers. Terrasse resto, tu me sers. Limoncello, cul sec. Un cortège sort du quartier. Autoroute A7. Torse nu dans la caisse. La serviette sur le siège. Ambiance parasol. En pégé sur les rochers. Soleil dans le dos. Accroché. Barbecue, viande en brochet. Que des concours de mots. N'insulte pas les morts. C'est un délire, c'est un autre monde. Bienvenue dans les quartiers nord. N'essaie pas de nous emboucaner. En fumette toute l'année. Marseille tu connais. Marseille tu connais. Wesh le sein, wesh la zine. C'est nous les bad boys. C'est nous les bad boys de Marseille. Et on tarde le soir comme des requins derrière l'oseille. Tu reprends des gars, style de pop. Tire le flop par au tapis, vodka, chicha, collé au bec. Tu reprends des gars, style de pop. Des voyous et des barons. Des toiles sur le maillot, des quartiers dans le radeau. Tu reprends des gars, style de pop. Sans le rose et tout ça fallait sous le soleil. Je reconnais le style des bad boys. NOR dans iPod, au mic j'pose. M'éloigne des sales rock, des chemises, des flashballs. Lâche-moi ma liasse, c'est que la fierté qui se monnaie pas. Ici la vie se paye au prix fort, aussi fort que le soleil frappe. Croire en soi tous les jours, faire son billet sous les tours. Rêver de piller tous les bourges, tout gaspiller pour les couses. Bad boy, que vous les fous, on pousse là où on nous plante. Dans le bloc ou dans les bacs, espérer des records de vente. Dans tout ce que t'as dans le ventre, c'est ce que mon. J'ai les anciens.

car la mélodie me mène aux excès. Plus je sors, plus je m'enferme. Pas dans les boîtes, pourquoi m'en faire? Quand j'ai mal, je me noie dans les cocktails. Caramelo, trop sexy. Caramelo, trop sexy. Normal qu'on soit mortel, Igon, nous sommes que des terriens. Bientôt nous on serait tout part comme le drapeau algérien. Ici pas y'a que l'homme qui a peur, oui Nyama, sinon y'a rien. Ça braille mais ça agit pas, y'a quoi comme j'irai mes Ivoiriens. Normal qu'on soit mortel, Igon, nous sommes que des terriens. Bientôt nous on serait tout part comme le drapeau algérien. Ici pas y'a que l'homme qui a peur, oui Nyama, sinon y'a rien. Ça braille mais ça agit pas, y'a quoi comme j'irai mes Ivoiriens. Toye poto toko, bon ma bangonyo, so bobeta ma boko. La chance m'a donné ça, te chavou, la fée dans ma soko. Clic droit sur Google, ma chérie, si tu veux ma photo. Mouta seki sangate, alo banangate, non, moi je ne suis pas leur poteau. Avant n'y a ma banne à bord, tu t'avais pas entendu de rap de Zedon, pas de quiproquo. Tu me demandes comment je vais, la santé, la famille, je te répondrai qu'est naza qui toko. Ma petit bakoli, rien à foutre, n'y a man à kobeta, bango, ba fimou, ya moukolo. Ni du nord, ni du sud, ni de l'est, ni de l'ouest, nanaza, man à Congo. Je te suivrai jusqu'à la mort, petit bâtard, si tu me dois d'embongo. J'en place une pour mes agros, mili, basolo, rugaille et mes mots. J'en ai son mis sapis dans la boîte, à gants, toi t'en as dans le zol. J'ai inspiré plus d'un dans les bibas, ouais, n'y a ma base à bateau. Naïe pour n'a braqué le rap game dans tout le monde, ma boko licolo. Non, non, t'es pas un suceur de buzz, mon négro, t'as suceur de goro. La zande tindoki, quand je démarre à Kutri, je ne peux pas m'arrêter. Comme dirait mon yama, mon poto Falina, ne s'illite, Ingueta. Normal qu'on soit mortel, Igo, nous sommes que des terriens. Bientôt on serait tout part comme le drapeau algérien. Ici pas y'a que l'homme qui a peur, oui Yama, sinon y'a rien. Ça braille mais ça agit pas, y'a quoi comme j'irai mes Ivoiriens. Normal qu'on soit mortel, Igo, nous sommes que des terriens. Bientôt on serait tout part comme le drapeau algérien. Ici pas y'a que l'homme qui a peur, oui Nyama, sinon y'a rien. Ça braille mais ça agit pas, y'a quoi comme j'irai mes Ivoiriens. Pelisa ki bango biso topeta ka rapia mikolo. Rapia mikolo. Bafingi batongi mendule na bango za sola lipolo. Sola lipolo. Flogo la fere toko mema bango nyoso likolo. Bazala ki wapi na tangwa chede en la défense est poka mazulu. Na din mouk. Suce moi la bite de tishimbok. Avant d'aller à la messe pe kopaye babok. Après lundi koula donc il faut de doc. J'fais du salo rap français maintenant j'rappe en Ningala. Ils me prennent pour un vieux buzzé mais j'traîne avec Janen Villa. Ils me comprennent up comme un sable, j'vais terminer comme 13 ans loin loin. Poanga ma déchou, fumwa ndunda bakisa moussaka. Poison mon poutou, toko liamba momina binotou. Détesté parce que j'suis partout. Poison cosi rap y'a boutou. Where else? Koko kabin sauté. Oyueza, Ingueta. Tina bisona ma boko zabi. Bako mega kako soa, bata. Bako ko kabi sauté. Oyueza, Ingueta. Tina bisona ma boko zabi. Bako mega kako soa, bata. Normal qu'on soit mortel, Igo, nous sommes que des terriens. Bientôt nous on serait tout part comme le drapeau algérien. Ici pas y'a que l'homme qui a peur, oui Nyama, sinon y'a rien. Ça braille mais ça agit pas, y'a quoi comme j'irai mes Ivoiriens. Normal qu'on soit mortel, Igo, nous sommes que des terriens. Bientôt nous on serait tout part comme le drapeau algérien. Ici pas y'a que l'homme qui a peur, oui Nyama, sinon y'a rien. Ça braille mais ça agit pas, y'a quoi comme j'irai mes Ivoiriens. Michael Chiani, where else? Luis Cavanda, where else? Ma petit bakoli, mais ce n'est pas bango quoi. Hervé Sakina, Team Nyama. de boule KMS. What else, what else? Quel or de beau, papy tir. Johnny m'a dit pas, pas ouais ma gueule. Wesh, Bruxelles, Matongue, Jimmy, Elvira, hein, 69, Parigo, Overdose, Niamès, Kinshasa, hein, Mbappé, Tinabiso, Samael, Iron, a.k.a. Pearl. J'y reste pas qui j'y reste. Pharaon, le roi des momies. J'y reste Kimbo. J'y R, Richard Makela. Where else? Dali Kwasi. Where else? NSC. J'y reste Vandal, Vindele Koyate. Mbapoula, Giringoto. J'y reste 4, 2, 9, 3, 9, 2, 7, 8, 7, 5, 7, 7. Where else? 9, 4. Clavé dit ma gueule. 9, 5. Ma soeur. Pas ma gueule, le rap français a changé. Maintenant rap, Rodin Kala. On fait du sale, ma gueule. Ma sola lingala. Bisou, Tobadango. Nico, pas R. Aïe, Billy Solo. Français. 100% explicit lyrics. Nocturne. Allume sa mère sans sommation, un de grand soleil. Ils ont voulu clasher, mais ils finiront sous ma semelle. Sur moi, t'as voulu cracher, mais tu finiras sous ma semelle. Ils ont voulu rapper, mais ils sont faits comme des femelles. Le premier qui bouge, je allume sa mère sans sommation, un de grand soleil. Les gardes-côtes, je suis un pirate, Jack Sparrow. Comme chaque matin, manger paro. Amener CC, j'ai des bons tarots. En cellule, refrais, je deviens paro. On a la technique pour les faire bouger. Les feux sont ouverts, il nous reste plus qu'à pousser. La rue qu'on est niama, moi j'ai rien à me reprocher. À 92 km de la bouger. Aussi, gradure, on vient filmer vos projets. Haute-Seine, Essonne, plus qu'à Brano QG. J'envoie des pics à CP, des drapeurs, y'a pas d'accusé. Fuck le game, moi j'suis pas là pour m'amuser. AZ ne baisse que son poids pour se faire sucer. Ils veulent monter sur la lune, ils ont même pas la fusée. Un sacré pédigré, plus d'une fois on m'a saccagé. Gros cerveau, tête du réseau, appelle mon gâché. J'suis grave, jamba, voiture, cagé. J'marche sur ton rapalo car j'sais pas nager. J'ai galéré pour être là, donc viens pas rager. Escrime à mes boundélé, personne âgé. Chacun son tour, nous sommes tous des passagers. Pense à évoluer au lieu de plager. Sur ton propre terrain, j't'ai piégé. J'reviens magique comme le PSG. Chégué, chégué. Ils ont voulu clasher, mais ils finiront sous ma semelle. Sur moi, t'as voulu cracher, mais tu finiras sous ma semelle. Ils